mal au milieu du passé. Quand elle est apparue, j'ai cru au fond de moi n'être pas convaincu. Venant en fait, elle m'a donné ce que j'avais besoin. Une bonne dose de chaleur, une bonne dose de douceur. De mon noyau, j'ai vu renaître l'envie. J'ai vu surtout que tout était possible. Qu'attendre la mort ne servait à rien. Jamais se laisser aller à la fatalité, Faire un fossé à ceux qui brisent la vie, et reprendre en main son destin. Rien n'est fini tant qu'on est en vie, même si je n'y crois pas. Je fais semblant d'y croire, j'emmerde l'univers entier. Au milieu du passé, quand elle est apparue, j'ai cru au fond de moi n'être pas convaincu. Venant en fait, elle m'a donné ce que j'avais besoin. Une bonne dose de chaleur, une bonne dose de douceur. De mon noyau, j'ai vu renaître l'envie. J'ai vu surtout que tout était possible. Violation de toi. Étage par étage, les blessures se referment. Et tu ne vois pas, tu deviens la proie qu'un jour on assassine. Comment faire pour sortir de l'enfer? Conscient partout, bien conscient dans cette inconscience. Comment se défaire de ces chaînes invisibles et malsaines? Et comment pardonner à cet impardonnable quand le temps a passé, les souvenirs se font. Comme mal assis, t'es trop resté là, l'influence de ta mère.

identité. On avance masqué, plus rien nous effraie. Le monde est à l'arrêt de l'art. Ceinture alternative de position. De l'art, ceinture alternative de position. Je ne suis pas d'ici, je ne suis plus d'ailleurs non plus, je ne sais plus. On n'est plus rien, plus d'identité, on avance masqué, plus rien nous effraie. Le monde est à l'arrêt de l'art, ceinture alternative de position. Les étoiles.